France Impro, ça donne chaud. Bonjour, bonjour et bienvenue sur France Impro, bienvenue sur Radio FMR 89.1. C'est l'été dans le studio à France Impro qui est aujourd'hui tout vide à part moi, qui suis à la technique, Dominique. Et je vais vous proposer aujourd'hui de découvrir un trompettiste japonais qui s'appelle Hitaru Oki. Et nous allons, je vous propose d'intercaler entre différents morceaux de ce trompettiste japonais qui vit en France depuis 1984, d'intercaler des morceaux de lecture du livre de Derek Bailey, L'improvisation, sa nature et sa pratique dans la musique, un livre de référence qui parle d'improvisation en général, et d'improvisation libre en particulier. On va commencer par le début d'un album d'Hitaru Oki, donc, c'est un nom japonais, Satsujin Kyoshitsu, qui date de 1970, qui n'a jamais été édité en CD à ma connaissance, c'est donc une récupération d'un vinyle. Et donc ce trompettiste japonais est intéressant parce qu'il se situe exactement à la confluence entre free jazz, improvisation libre, la musique librement improvisée. Il va aussi vers la musique expérimentale, il se joue des étiquettes et c'est très bien. Voilà, je pense que c'est très bien de se moquer des étiquettes et de faire de la musique. C'est parti. Thank you. C'était Aporia du trompettiste japonais Hitaru Oki. Un enregistrement qui date de 1970. Je serais ravi de vous donner les noms de ces deux acolytes, puisqu'il s'agit d'un trio. Mais malheureusement, l'image que j'ai sous les yeux, tous les textes sont en japonais. Et on peut voir quand même qu'ils ont les cheveux longs, qu'ils ont deux dents tournantes, des moustaches. C'est vraiment, ils sont vraiment c'est vraiment très marqué années 70. Mais la musique aurait pu être enregistrée hier. Je trouve qu'elle n'a pas vieilli du tout et qu'elle est tout à fait actuelle et d'actualité. Je vais vous lire un petit passage donc de Derek Bailey, l'improvisation. Le début du chapitre 5 qui parle d'improvisation libre. Donc on parle beaucoup d'improvisation libre dans cette émission. On a souvent des invités à qui on demande de parler de leur pratique d'improvisateur et de définir ce qu'ils entendent. Et souvent, c'est très compliqué de parler, de définir ce que c'est que l'improvisation libre. Derek Bailey trouve ça compliqué aussi, mais essaye. Et je vais vous lire ce passage. La musique librement improvisée, appelée improvisation totale, improvisation libre, musique free, ou peut-être plus simplement musique improvisée, souffre et bénéficie à la fois de son ambiguïté, attestée par la difficulté à lui trouver une appellation convenable. La musique improvisée regroupe en effet trop de genres de musiciens, trop de points de vue différents vis-à-vis de la musique en général, trop de conceptions diverses de ce qu'est l'improvisation pour pouvoir être regroupée sous un seul nom. L'associer à la musique expérimentale ou d'avant-garde, ce qui est courant, en rend l'identification encore plus malaisée. Il est vrai que ces genres sont souvent confondus l'un avec l'autre, probablement pour le bénéfice des promoteurs, qui ont besoin de connaître leurs caractéristiques communes, notamment l'incapacité à retenir l'attention d'un large groupe d'auditeurs non avertis. Toutefois, bien qu'elles touchent peut-être le même public, elles diffèrent fondamentalement l'une de l'autre. Les improvisateurs expérimentent parfois, mais très peu, je crois, considèrent cependant leur démarche comme expérimentale. De même, les conceptions et les dogmes associés à l'avant-garde n'ont guère de points communs avec ceux des improvisateurs. L'improvisation a bien entendu engendré des innovations, mais les improvisateurs éprouvent rarement le désir d'être à la pointe de leur domaine et ils emploient la méthode la plus ancienne de la musique. S'il est difficile de désigner de façon appropriée la musique librement improvisée, il est encore plus compliqué de désigner l'activité elle-même. La diversité est la caractéristique la plus évidente de cette musique. Celle-ci, en effet, n'adhère à aucun style ou langage particulier, ne se conforme à aucun son particulier. Son identité n'est déterminée que par l'identité musicale des personnes qui la pratiquent. Sur le plan historique, elle précède toutes les autres musiques. Le premier concert de l'homme n'aurait rien pu être d'autre qu'une improvisation libre, et on peut raisonnablement supposer que la plupart du temps depuis, il y aura eu de la musique qu'il conviendrait de décrire comme de l'improvisation libre. Que celle-ci soit accessible à tous paraît contrarier à la fois ses défenseurs et ses détracteurs. Bien qu'elle requiert un talent particulier, l'improvisation libre est à la portée de presque tout le monde, débutants, enfants, non-musiciens. Les capacités et l'intellect requis sont celles des personnes qui la pratiquent. Il peut s'agir d'une activité extrêmement complexe et sophistiquée, ou de la forme d'expression la plus simple et la plus directe, de l'étude et du travail de toute une vie ou d'un simple passe-temps. Elle peut combler les goûts musicaux de chacun, et le genre de personne irritée par l'idée que tout le monde peut le faire sera peut-être rassuré d'apprendre qu'Albert Einstein considérait l'improvisation comme un véritable besoin émotionnel et intellectuel. Je vous propose qu'on s'arrête là pour la lecture et qu'on attaque le deuxième morceau de l'album d'Hitaru Oki. Deuxième morceau qui s'appelle... Excusez-moi. Qui s'appelle Spectral. Thank you.

Hitaru Oki Trio 1970, c'était Spectral. Alors, c'était le deuxième morceau d'un album qui s'appelle Satsujin Kyoshitsu. Donc, comme je disais tout à l'heure, qui est introuvable, malheureusement, à ma connaissance en tout cas. Si jamais je me trompe, j'encourage les auditeurs à nous en faire la remarque sur notre site franceimpro.net. Je continue avec la lecture de la définition de l'improvisation libre d'après Derek Bailey. L'émergence de l'improvisation libre en tant que mouvement artistique au début des années 60 et la persistance de cette pratique ont suscité une foule d'explications sociologiques, philosophiques, religieuses et politiques que je laisserai aux auteurs ayant les compétences et la motivation nécessaires. Je me bornerai à rappeler que l'engouement pour l'improvisation libre provient en grande partie d'une remise en question du langage musical ou, plus exactement, de ses règles, tout d'abord de la remise en question du jazz, musique improvisée de loin la plus répandue à l'époque de l'émergence de l'improvisation libre, puis de la musique classique, dont les conventions avaient exercé jusque-là une influence extraordinaire sur de nombreux genres musicaux, y compris sur la plupart des formes d'improvisation occidentale. Il existe deux textes importants sur l'improvisation libre, Notes, Eight Pieces de Leo Smith et Towards an Ethic of Improvisation de Cornelius Cardew, extrait de son Treatise Handbook. Tous deux sont rédigés par des musiciens possédant une expérience considérable de l'improvisation libre, et ils en parlent avec pertinence et perspicacité. Ils diffèrent cependant complètement l'un de l'autre. Smith traite l'improvisation libre presque exclusivement comme une extension du jazz, Cardew comme une philosophie européenne et une sorte de composition indéterminée. Les deux points de vue sont valables, chacun représentant parfaitement l'une des deux conceptions de l'improvisation libre qui émergèrent dans les années 60. Il convient de souligner que, pour Leo Smith, la difficulté de l'homme noir en Amérique, et en particulier celle du musicien noir, est beaucoup plus importante que les sujets purement musicaux évoqués ici. De façon assez similaire, les objections de Cardew prendraient plus tard une forme purement politique. Ces deux textes indiquent toutefois aussi que pour des musiciens intègres soucieux de s'investir directement et sans concession dans la musique, quelle que soit leur orientation, l'improvisation libre leur permet de se libérer de la rigidité et des contraintes auxquelles ils avaient été jusqu'ici habitués. Fin de la citation pour le moment, et je tiens à noter que ces deux conceptions de l'improvisation libre restent tout à fait d'actualité, et on peut voir cette opposition quand on fréquente un petit peu une scène comme la scène toulousaine, avec les différents invités que nous recevons sur France Impro régulièrement. Donc il y a vraiment ces deux visions. Donc je vous encourage à creuser, à aller voir différents groupes et à vous faire votre propre opinion. Je me garderai bien de trancher ici. Nous allons envoyer un petit jingle de milieu d'émission et nous allons continuer avec le troisième morceau de cet album de 1970 d'Hitaru Oki, du trompettiste japonais Hitaru Oki. Et à tout à l'heure pour un nouvel extrait. Vous êtes sur France Impro. We'll be right back. Thank you. 1970, c'était Papilio d'Hitaru Oki, du trompettiste japonais Hitaru Oki. Je vous propose de continuer nos lectures avec un extrait d'entretien réalisé par Derek Bailey avec le saxophoniste américain Steve Lacy, qui est un des grands musiciens au croisement entre différents genres musicaux du XXe siècle. Derek Bailey pose la question. Nous avons évoqué le fait que jadis, le jazz ne semblait guère préoccupé par son passé, par ses racines. Il semblait être une forme d'art totalement contemporaine. Et Steve Lacy répond. Pour moi, c'est ainsi que la musique doit toujours être, sur le fil du rasoir, entre le connu et l'inconnu. Il faut toujours aller vers l'inconnu, sinon elle et nous mourrons. Les changements qui ont débuté à la fin des années 50 et probablement culminé vers le milieu des années 60 ont eu lieu justement parce que dans les années 50, le jazz n'était plus sur le fil du rasoir. Quand on en est arrivé à ce que l'on a appelé hard bop, il n'y avait plus de mystère. C'était, comment dire, mécanique. C'était devenu une sorte de gymnastique avec des clichés archi connus que tout le monde jouait. Quand j'ai débuté à New York, dans les années 50, j'écoutais toujours les musiciens aventureux, bien que j'appartienne à la même génération que certains jeunes jazzmen mieux acceptés. Des gens comme Donald Byrd et Herbie Hancock, j'allais parfois jouer avec eux. C'était les nouveaux musiciens reconnus. Je collaborais aussi avec Cecil Taylor, Mal Waldron et d'autres artistes qui étaient considérés comme faisant partie de l'avant-garde. Ce qui m'intéressait surtout, c'était de travailler avec ces gens-là, mais en même temps, je ne pouvais pas ignorer les musiciens plus traditionnels. En ce qui me concerne, cependant, jouer avec des musiciens relativement conventionnels n'a jamais marché. Simplement parce qu'ils connaissaient tous les plans, tandis que moi pas. Je savais ce qu'il fallait faire pour les apprendre, mais cela ne m'a jamais rien dit. Je n'en avais pas envie. Pourquoi vouloir assimiler tous ces clichés? Quand Bud Powell les inventa, il y a 15 ans, il s'agissait d'idées nouvelles. Mais dès lors que quelqu'un les a analysées et systématisées, c'est devenu un dogme auquel de nombreux musiciens ont souscrit. Quand cela a été mon tour, j'en ai perçu le mystère, et cela ne m'excitait plus. Le jazz en était arrivé au point où il n'était plus improvisé. Une grande partie de la musique que l'on jouait n'était pas vraiment improvisée. Tout le monde savait ce qui allait se passer, et de toute évidence, c'est arrivé. Peut-être l'ordre des phrases et des morceaux était un peu différent chaque soir, mais pour moi, cela ne suffisait pas. Moi et beaucoup d'autres gens en avons eu assez du temps métronomique et des groupes de quatre mesures. Tout le monde s'est lassé de ce jeu systématique et nous avons dit « ça suffit ». Je crois que la question de l'envie est très importante. Certaines personnes ont des tendances avant-gardistes et d'autres non. On ne peut demander ni aux unes ni aux autres de changer. Préserver une tradition ancienne intéresse certaines personnes. Réutiliser les mêmes clichés peut les rendre parfaitement heureuses et trouver des idées nouvelles ne les obsède pas. Elles peuvent rejouer les mêmes choses toute leur vie. Les gens deviennent hantés par l'idée non seulement de maintenir la tradition, mais de la perfectionner. Certains cherchent à combiner ces clichés de façon parfaite, et pour eux, cela constitue un progrès. D'autres, en revanche, souhaitent repousser les limites de la musique et explorer des territoires vierges. C'était Steve Lacy, rapporté dans un entretien par Derek Bailey dans son livre « L'improvisation, sa nature et sa pratique dans la musique ». Je vous propose de continuer avec un autre morceau de Hitaru Oki, du trompettiste japonais Hitaru Oki, d'un autre album cette fois, d'un album qui s'appelle Mirage et qui date de 1977. C'était Mirage de l'album éponyme de d'Itaru Oki en 1977. On continue avec un titre du même album qui s'appelle Sky Zoo. Thank you. C'était un morceau d'Itaru Oki de 1977 de son album Mirage qui s'appelait Sky Zoo. Alors comme vous pouvez le constater, cet album est beaucoup plus traditionnel en termes de forme jazz que ce qu'on a écouté en début d'émission. Et si vous voulez creuser un petit peu, si ce que vous avez entendu de Itaru Oki vous a plu et que vous voulez creuser un petit peu, vous pouvez trouver des albums beaucoup plus récents sur le site du label improvisingbeings.com, improvising-beings.com, vous trouverez des albums d'Itaru Oki qui datent de, j'en ai un de 2009, là, 2014, et dont le dernier en 2014, c'est un album solo. Je crois qu'un morceau sur deux est un standard de jazz, donc à la trompette solo, et un morceau sur deux, une improvisation complète. Malheureusement, je ne peux pas vous en faire écouter des extraits. Alors, si quelqu'un du label Improvising Beings tombe sur cette émission et veut nous envoyer un disque, je promets de le faire écouter à une émission future. Alors, pour terminer, nous allons jeter un œil à l'agenda de la musique improvisée sur Toulouse. Et il n'y a pas grand-chose, c'est l'été, hein, j'ai bien peur. Donc, il y a des festivals un peu partout, mais notamment, il y a eu Jazz à Luz il n'y a pas très longtemps. Tout le monde est un peu fatigué ou tout le monde est encore sur un autre festival ailleurs, mais bon, il se passe quand même 2-3 choses. Le 4 août 2015, alors c'est quoi ça, le 4 août comme jour, c'est un mardi, le 4 août 2015, le soir, il y a un concert donc à la pizzeria, à la Porte de la Fontaine. Donc c'est un lieu associatif qui se situe au sous-sol de la pizzeria Belfort, place Belfort à Toulouse. Pour plus exactement, 2 rue Bertrand de Born. Donc c'est un concert, une rencontre entre 4 musiciens improvisateurs. Hervé Pérez au sax, Marc-Alban Lotz, flûte, et Eddie Boubacker, basse électrique, et Guy Bessac, percussion, batterie. Voilà, non pardon, c'est pas 19h, c'est 21h, voilà, 21h, alors ça fait partie des lieux emblématiques de la scène toulousaine. Si vous ne connaissez pas cet endroit, je vous encourage à y aller. C'est entrée libre, participation libre aussi, et nécessaire parce que les musiciens viennent souvent de loin pour jouer et pour proposer une musique toujours inventive. Pour finir, je vous propose de lire encore un petit extrait de Steve Lacy. Je suis attiré par l'improvisation en raison d'une qualité que j'apprécie, la fraîcheur, que l'on ne peut obtenir que par l'improvisation et absolument pas par la musique écrite. Cela a à voir avec cette idée du fil du rasoir que j'évoquais précédemment, avec l'idée d'être toujours au bord du gouffre et prêt à y sauter. Quand on s'y lance, on a beau avoir des années de préparation, une certaine sensibilité, une certaine expérience, cela n'en reste pas moins un saut dans l'inconnu. On peut, en effectuant ce saut, découvrir des choses intéressantes qu'on ne parviendrait pas, je crois, à découvrir autrement. J'accorde plus de valeur à cela qu'à ce que l'on peut préparer. Mais je crois aussi fortement aux vertus du travail, surtout dans la mesure où il peut justement amener sur le fil du rasoir. Ce que j'écris nous mène au bord de ce gouffre inconnu et nous permet d'y trouver d'autres idées. Ce sont véritablement ces autres idées qui m'intéressent et qui, selon moi, constituent l'essence même du jazz. Et fin de la citation. Et donc, moi, j'aurais tendance à ajouter du jazz en tant que musique vivante, ce qui est beaucoup plus large que l'étiquette que ce qu'on entend habituellement par juste jazz. Voilà, alors on va terminer cette émission avec un extrait du coup parce qu'il reste plus longtemps. plus beaucoup de temps avec un extrait du premier album qu'on avait écouté de 1970 d'Itaru Oki, le dernier morceau en fait, qui s'appelle Eternal Lyric.